FSI, French Revised, Unit 6, Tape 3. Comprehension drills. Identification drill. Review drill 36. Tutor. Je voudrais des billets. Student. D. Tutor. C'est le train de 21h. Student. Le. Essayez ce costume. Ce. Voilà le bureau. Le. J'aime les fruits. Les. Nous n'avons pas les billets. Les. Nous n'avons pas votre billet. Votre. Je ne sais pas la date. La. Avez-vous des bijoux? Des. Je n'aime pas le climat. Le. Je cherche ma couchette. Ma. Où sont les gâteaux? Les. Review drill 37. Same as 36. Changer de restaurant. 2. Je travaille aussi le samedi. Le. Voilà mon épicerie. Mon. Avez-vous vos bagages? Vos. Je n'aime pas le sucre. Le. Nous n'avons pas de bagages. De. Ils ont le temps. Le. Voulez-vous les bijoux? Les. Je n'aime pas cette chambre. Cette. Je cherche des chemises blanches. Des. Review drill 38. Same as 36, 37. Je vais faire apporter les bagages. Les. Aimez-vous les fruits? Les. Je ne sais pas où sont leurs places. Leurs. Est-ce que vous avez des places? Des. Je vais faire apporter leurs bagages. Leurs. Je cherche leur compartiment. Leurs. Avez-vous les billets? Les. Je ne sais pas où sont leurs places. Leurs. Fermez leurs fenêtres, s'il vous plaît. Leurs. Je ne comprends pas leurs questions. Leurs. Review drill 39. Same as 36, 37, 38. Où sont les légumes? Les. Voilà la valise. Là. J'aime cette paire. Cette. Je ne prends pas de sucre. Deux. Je n'aime pas ces costumes. C'est. Voilà nos valises. Nos. Où est l'épicerie? Là. Vous déjeunez avec votre sœur? Votre. J'espère que vous avez les renseignements. Les. Il me faut 10 œufs. 10. Review drill 40. Tutor. Voilà ce qui reste. Student. Here's what's left. Savez-vous où elle est? Do you know where she is? Avez-vous des billets? Do you have any tickets? Je crois qu'il est ici. I think he's here. Il va déposer ses amis à la gare. He's going to let his friends off at the station. Je compte rester jusqu'au 12. I plan to stay until the 12th. C'est 112 francs. It is 112 francs. Cet hiver, il a fait plus froid que l'hiver dernier. This winter, the weather was colder than last winter. Voilà un bon costume. There is a good suit. C'est 72 francs. It is 72 francs. Quel temps fait-il en été? How's the weather in the summer? Ça fait 205 francs. It amounts to 205 francs. Il habite au 12e étage. He lives on the 12th floor. Review drill 41. Same as 40. Ils vont vous y conduire. They're going to take you there. Leur fille est ici. Their daughter is here. Chaussez-vous du 38 ou du 39? Do you wear shoe size 38 or 39? Je voudrais parler à l'employé. I would like to talk to the employee. Allez-vous retenir des places? Are you going to reserve any seats? Leurs filles sont en vacances. Their daughters are on vacation. Je ne sais pas si j'arriverai à temps. I don't know if I'll get there on time. Je suis heureux d'être ici. I'm happy to be here. Parlez aux employés. Speak to the employees. Leur ami n'aime pas ce climat humide. Their friend doesn't like this humid climate. C'est exactement le modèle qu'il me faut. That's exactly the style I need. Elle veut essayer la robe. She wants to try on the dress. Ça veut dire autre chose. It means something else. Asseyez-vous, vous ne me dérangez pas. Sit down, you're not disturbing me. Review drill 42. Same as 41. Ils ont des vacances. They have a vacation. Elle est toujours pressée. She's always in a hurry. Il aime la chaleur. He likes the heat. Elle a une villa pour l'été. She has a villa for the summer. Ils sont en vacances. They are on vacation. Elles ont beaucoup de bagages. They have a lot of luggage. Il est toujours à Paris. He is still in Paris. Elles arrivent ce soir. They are arriving this evening. Il habite près d'ici. He lives near here. Elle est en vacances. She's on vacation. Elle aime mon frère. She loves my brother. Il a des vacances. He has a vacation. Je crois qu'elle va bien. I think she's fine. Je ne sais pas où il est. I don't know where he is. Review drill 43. Tutor. J'ai 5 enfants. Student. I have 5 children. J'ai 50 francs. I have 50 francs. J'ai 5 enfants. I have 5 children. J'ai 500 francs. I have 500 francs. J'ai 105 francs. I have 105 francs. J'ai 50 francs. I have 50 francs. J'ai 5 enfants. I have 5 children. J'ai 500 francs. I have 500 francs. J'ai 105 francs. I have 105 francs. J'ai 50 francs. I have 50 francs. J'ai 105 francs. I have 105 francs. Review drill 44. Same as 43. Ils ont 2 enfants. They have 2 children. J'ai des enfants. I have some children. Il y a 2 enfants. There are 12 children. Voilà leurs enfants. Here are their children. Voilà les enfants. Here are the children. Y a-t-il des enfants? Are there any children? Il y a 2 enfants. There are 12 children. Où sont leurs enfants? Where are their children? Avez-vous 2 enfants? Do you have 2 children? Ils ont 2 enfants. They have 2 children. Review drill 45, same as 42 and 43. J'ai 5 francs. I have 5 francs. Ça coûte 100 francs. It amounts to 100 francs. Il a 5 livres. He has 5 books. Voilà 5 livres. Here are 5 books. J'ai son livre. I have his book. Il y a 100 livres. There are 100 books. Je prends 5 livres. I'll take 5 books. Apportez 5 livres. Bring 5 books. Achetez son billet. Buy his ticket. Ça fait 100 francs. It amounts to 100 francs. Review drill 46. Same as 41, 42 and 43. C'est un très beau magasin. It is a very nice store. C'est un très bon magasin. It is a very good store. Que monte-t-il? What is it taking upstairs? Que montre-t-il? What is he showing? J'ai mes livres. I have my books. J'aime mes livres. I like my books. Vous savez la leçon? You know the lesson? Vous avez la leçon? You have the lesson. Il aime ma sœur. He loves my sister. Voilà un bon livre. Here is a good book. Que sait-il? What does he know? Que sait-il? What is he trying on? Elle est là-bas. She's over there. Allez là-bas. Go over there. Il est là-bas. He is over there. Response drills. Review drill 47. Demandez à combien de fenêtres il y a dans la classe. Combien de fenêtres y a-t-il dans la classe? Demandez à s'il est heureux de parler français. Êtes-vous heureux de parler français? Demandez à s'il a des amis à Paris. Avez-vous des amis à Paris? Demandez à quel temps il fait aujourd'hui. Quel temps fait-il aujourd'hui? Demandez à s'il y a un bon restaurant près d'ici. Y a-t-il un bon restaurant près d'ici? Demandez à s'il va en ville à 1 heure. Allez-vous en ville à 1 heure? Demandez à où vous pouvez prendre un taxi. Où puis-je prendre un taxi? Demandez à s'il sait à quelle heure ferment les magasins. Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Demandez à si son cordonnier est bon. Votre cordonnier est-il bon? Demandez à où il fait nettoyer ses costumes. Faites-vous nettoyer vos costumes? Demandez à où il achète ses chemises. Où achetez-vous vos chemises? Demandez à s'il va neiger ce soir. Va-t-il neiger ce soir? Demandez à s'il compte rester au bureau cet après-midi. Comptez-vous rester au bureau cet après-midi? Demandez à quelle heure ses amis arrivent. À quelle heure vos amis arrivent-ils? Demandez à s'il sait où est le café de Paris. Savez-vous où est le café de Paris? Demandez à si votre train est à l'heure. Mon train est à l'heure. Review Drill 48. Dites à qu'il n'est pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Dites à que je ne parle pas anglais. Il ne parle pas anglais. Dites à que vous n'aimez pas le vent. Je n'aime pas le vent. Dites à que vous comptez aller en ville ce soir. Je compte aller en ville ce soir. Dites à que je ne sais pas où il habite. Il ne sait pas où vous habitez. Dites à que vous n'avez pas de nouvelles de vos amis. Je n'ai pas de nouvelles de mes amis. Dites à que vous n'avez pas son billet. Je n'ai pas votre billet. Dites à que vous ne savez pas la date de votre départ. Je ne sais pas la date de mon départ. Dites à que vous êtes heureux de faire sa connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. Dites à que je vais déposer mon ami à la gare. Il va déposer son ami à la gare. Dites à que je ne sais pas où est ma place. Il ne sait pas où est sa place. Dites à qu'il va prendre un taxi. Vous allez prendre un taxi. Dites à qu'il va pleuvoir dans la soirée. Il va pleuvoir dans la soirée. Dites à qu'il a 5 minutes pour prendre son billet. Vous avez 5 minutes pour prendre votre billet. Dites à que vous partez par le train de 6 heures. Je pars par le train de 6 heures. Dites à que vous aimez beaucoup sa villa. J'aime beaucoup votre villa. End of review 6.